Je mettrai mon cœur dans du papier d'argent, mon numéro d'appel aux abonnés absents, mes chansons d'amour resteront là dans mon piano. J'aurai jeté la clé du piano dans l'eau. J'irai voir les rois de la brocante, vendez mon cœur 3,50 francs. Tu savais si bien écouter que ma vie s'est arrêtée quand tu m'as quitté. Je voulais te dire que je t'attends, et tant pis si je perds mon temps. Je t'attends tout le temps, sans me décourager pourtant. Comme quelqu'un qui n'a plus personne, s'endort près de son téléphone et sourit quand on le réveille, mais ce n'était que le soleil. L'autre jour j'ai vu quelqu'un qui te ressemble, et la rue était comme une photo qui tremble. Si c'est toi qui passes le jour où je me promène, si c'est vraiment toi, je vois déjà la scène. Moi, je te regarde et tu me regardes. Je voulais te dire que je t'attends, et tant pis si je perds mon temps. Je t'attends tout le temps. Ce soir, demain, n'importe quand. Comme quelqu'un qui n'a plus personne, s'endort près de son téléphone et qui te cherche à son réveil, tout seul au soleil. J'attends. Je voulais te dire que je t'attends. Si tu savais comme je t'attends tout le temps. Quand seras-tu là? Je t'attends, je voulais te dire que je t'attends. Si tu savais comme je t'attends tout le temps. Je voulais te dire que je t'attends.